Look out and see the same old face. La femme, la voix que je regarde, les cœurs tombés avec les mots, la femme.